je la croisais dans ma rue. Et je m'y habituais simplement, comme tout simplement l'on s'habitue aux choses qu'on voit souvent. Il y eut des jours où elle ne m'aime pas, mais comme je n'étais pas bien curieux, c'était à peine si je m'en rendais compte. Puis un jour je la regardais mieux. Elle m'aperçut et elle rougit un peu. Et moi qui ne suis pas timide, c'est certain, à cet instant je ne savais plus quoi faire de mes mains. J'ai toujours eu des chiffres en horreur. Le plus petit compte me fait souffrir, mais de compter ces taches de rousseur, ça m'aurait fait plaisir. J'ai vu sa bouche et j'espérais bien la voir me sourire ces jours prochains, pour lui demander mille choses et son nom. Et j'ai pris mon courage à deux mains. Cherchant longtemps, j'ai trouvé un prétexte pour lui parler le lendemain. Mais elle me répondit dans une langue dont je ne comprenais rien. Ce que je compris, ce fut son sourire, et dans son sourire, je vis l'éclair de ses dents blanches comme de la neige, un petit peu irrégulière. J'ai lu son nom écrit sur sa balise, que je lui portais jusqu'à la gare. Puis je suis resté tout seul sur le quai en agitant mon mouchoir. Puis je suis resté tout seul sur le quai en agitant mon mouchoir.